L'actualité à Nancy et ailleurs. Comme tous les ans, le MAN Nancy, mouvement pour une alternative non-violente, organise la quinzaine de la non-violence. Ça se déroule du 21 septembre, journée internationale de la paix, jusqu'au 2 octobre, journée internationale de la non-violence. Et pour s'intéresser à ce qui va se passer sur la région nancéenne, eh bien nous accueillons Denis Crelotte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du mouvement pour une alternative non-violente, justement, qui porte tout ce qui va se passer sur Nancy, c'est bien ça ? Ah oui, oui, oui. Cette année, le programme est vraiment intéressant et il est centré sur la question de l'exclusion. Parce que le thème cette année, donc, c'est face à la précarité, à l'exclusion, de nouvelles formes de solidarité. Donc il y a une petite lueur d'espoir quand même. Ah ben, il est nécessaire d'avoir une lueur d'espoir quand on travaille avec des migrants, quand on s'occupe de chômeurs, quand on rencontre des gens qui ne croient plus ni en l'avenir, ni en la politique, ni même à quelque chose qui est important, la solidarité, parce qu'ils vivent les discriminations et l'exclusion. C'est ça la quinzaine de la non-violence. On a envie de passer deux messages. D'abord, la non-violence, ce n'est pas la passivité. La non-violence, c'est une force pour agir. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que l'exclusion n'est pas une fatalité. Et qu'on peut choisir de lutter contre, qu'on soit inclus dans la société ou qu'on se sente exclu, pour arriver à améliorer sa situation de vie à la fois personnelle et la situation collective. Alors pour illustrer et pour démontrer ce qu'on peut faire, ce qui se fait déjà, il va y avoir plusieurs actions lors de cette quinzaine sur la région nancéenne. Il va y avoir du cinéma, il va y avoir du théâtre, il va y avoir des rencontres, parce que là c'est essentiel aussi, ce moment de rencontre. Alors on va s'intéresser maintenant un peu justement à ce qui va se passer. Peut-être déjà la partie cinéma. Il va y avoir deux films, deux avant-premières qui vont être projetés au Caméo Saint-Sébastien. Alors on peut peut-être parler de la première date, le vendredi 21 septembre, avec le film « Libre ». Oui, c'est une avant-première sur l'histoire de Cédric Herrou. Cédric Herrou n'est pas encore très connu en dehors des sphères militantes et il le mérite. C'est pour moi un héros du quotidien et il est agriculteur dans la vallée de la Roya qui fait la frontière avec l'Italie. Et il a accueilli clandestinement des migrants pour les héberger, faire un devoir humain de solidarité très concrète. Et pour ça, il a été poursuivi au niveau pénal pour délit de solidarité, puisque ça, c'était inscrit dans la loi. Et son combat judiciaire est devenu extrêmement emblématique, puisque ça a amené le Conseil constitutionnel à rappeler qu'en France, il y avait la liberté, il y avait l'égalité, mais il y avait aussi la fraternité. Et donc, grâce à Cédric Herrou, le Conseil constitutionnel a rappelé que la fraternité, c'était un élément clé de notre société. Et donc, accueillir des migrants, c'était pas un délit. C'était juste faire preuve d'humanité. Et donc ce film raconte son histoire, et l'histoire, il n'est pas tout seul, hein, de tous les gens qui ont travaillé avec lui, et puis pose la question de l'accueil des migrants, quoi, d'une manière très concrète, très claire, en termes de fraternité humaine, et pas uniquement en termes de chiffres et de problèmes politiques. Donc ce film est à voir le vendredi 21 septembre, un film de Michel Toesca, et en présence de Cédric Herrou. Oui, nous avons la chance d'avoir Cédric Herrou. La directrice du Caméo a réussi à le convaincre de venir, même si c'est quelqu'un qui est, comme beaucoup de héros du quotidien, très timide et qui n'a pas forcément envie de se mettre en avant. Mmh. Raison de plus, j'allais dire, pour le connaître et valoriser, non pas lui en tant que personne, mais son action et son combat. Donc le film, ce sera à 20h15, ce sera donc une avant-première, et le film ressortira courant octobre. Hein, c'est oui, bien oui, ça, oui, hein. Et nous encourageons tous les gens qui ne pourront pas venir le 21 septembre à aller voir ce film. Alors le deuxième film, c'est un film qui s'intitule Tadzeka, qu'on pourra voir le vendredi 5 octobre, là aussi au Caméo Saint-Sébastien. On s'est associé avec le Festival du film arabe de Famec, et puis la TMF est une association qu'on aime bien qui s'appelle Diwan. Ce film, c'est l'histoire de quelqu'un qui est cuisinier et au Maroc. Et puis Tadzeka, c'est le nom du village où il habite. Et donc, il veut devenir cuisinier en France. Le problème, c'est qu'il n'a pas de papier. C'est que tous les visas lui sont refusés. Donc, il devient clandestin en France. Et c'est son histoire. Donc, c'est très beau comme film. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie qui se passe au Maroc avec la transmission de la culture culinaire marocaine par la grand-mère à ce petit-fils qui est vraiment doué pour faire la cuisine. Et puis, il y a son arrivée galère et la sortie de la galère en France. Voilà, Tazeka de Jean-Philippe Gau. Ça, c'est pour la partie cinéma. Il y a une partie théâtre aussi. Alors, vous avez l'occasion sur Fadjet aussi d'écouter une interview concernant cette pièce qui s'appelle « Le Parole de Migrants » par la compagnie La Tribouille, qui est à voir à la MJC Pichon le mardi 25 septembre. La pièce s'appelle « Bienvenue » avec un point d'exclamation. Exactement. Parole de migrants, et donc c'est un acteur militant qui a décidé de faire une pièce de théâtre avec tout ce qu'il entendait, tout ce qu'il vivait, et il l'a mis en scène avec un musicien. Voilà, un violoncelliste. Un violoncelliste. Donc, le comédien s'appelle Pierre Robat. Voilà, pour la partie théâtre. Il y a aussi une exposition qui est à voir jusqu'au 29 septembre à la MJC Pichon et à la MJC Nomade, qui s'appelle Tous Migrants. Oui, ça, c'est une exposition qui appartient à la Fédération des MJC et que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et il faut vraiment que le public nancéen voit cette exposition. Elle sera surtout à la MJC Nomade. Et à la MJC Nomade à Vendeuvre, on va faire même des animations avec des enfants, avec des adultes. Voilà, on va creuser un peu cette question de tous migrants en termes de peur aussi. Pourquoi les migrants nous font peur? Tous les présupposés qu'on a. Et on va travailler aussi sur l'accueil des migrants et surtout le parcours des migrants. Parce que je pense que on se rend pas bien compte de ce que ces gens vivent et pourquoi ils partent aussi. Hein. Un moment familial maintenant qui va se dérouler le samedi 29 septembre, et bien là aussi à l'MJC Nomade hein, à Vendeuvre, avec de la musique et vraiment ouvert à tout le monde ce temps de rencontre. Oui, nous pensons que la convivialité et puis la rencontre humaine, ça permet aussi de construire un monde où chacun a sa place. Et donc le 29 septembre, il va y avoir la chorale des enfants du monde qui est animée à Nancy. Par quelqu'un tout à fait talentueux. Et puis, nous avons aussi un théâtre forum, un goûter, etc. C'est-à-dire quelque chose de, j'allais dire, de beaucoup plus simple, moins intellectuel, et en même temps qui permet aussi de parler avec monsieur et madame tout le monde, et puis de rencontrer des gens qui, normalement, ne se rencontrent pas. C'est un des problèmes de notre société, de l'exclusion. C'est que chacun est dans sa vie et rencontre pas forcément ceux qui sont ses voisins, mais qui vivent autre chose, quoi. Et on a aussi travaillé sur la question du chômage. Travailler est un jeu de mots involontaire, parce que l'exclusion, c'est pas uniquement la question de la discrimination, de l'accueil des migrants, c'est aussi le chômage et le chômage de longue durée, qui est une véritable violence. Et donc le 22 septembre, c'est un samedi, à 16h, à la Salif Copins à Vendeuvre, on a décidé de valoriser ce qui se passe à Colombey-les-Belles, qui est un territoire zéro chômeur de longue durée. Quelque chose qui est voué à se développer. À quoi ça correspond, un territoire zéro chômeur de longue durée? Eh bien, un territoire zéro chômeur de longue durée, ça illustre ce que c'est les nouvelles formes de solidarité. C'est-à-dire que c'est la rencontre entre des personnes qui étaient au chômage et qui veulent s'en sortir, des institutions qui répondent présent, et puis une volonté d'un territoire de valoriser des gens qui n'étaient pas valorisés en quelque sorte. Donc ce qui se passe dans le territoire zéro chômeur, et là on va avoir des témoignages, il y a des chômeurs qui créent leurs entreprises, qui créent leur activité en quelque sorte et qui sont employés dans une entreprise qui s'appelle une entreprise à but d'emploi. Je savais pas que ça existait, donc c'est vraiment intéressant parce que là aussi, le chômage, c'est comme si c'était présenté comme une fatalité ou c'est comme si c'était présenté comme la faute des chômeurs. Eh bien, les gens qu'on va rencontrer là disent tous les chômeurs veulent travailler. Simplement, il y en a qui veulent pas travailler la nuit, il y en a qui veulent pas se déplacer à 100 km de chez eux. Et donc, il y a des possibilités de créer des emplois qui rencontrent des besoins sur des territoires. Et c'est ce qui a été fait sur Colombey-les-Belles et sur d'autres expériences en France. Mais nous, en Meurthe-et-Moselle, on a Colombey-les-Belles dans une zone rurale. Mais il y a d'autres expériences territoire zéro chômeur dans des de quartier, de grandes villes ou dans des villes moyennes. Donc ça, ce temps de rencontre, c'est à l'Espacif Coppens à Vendeuvre, donc le samedi 22 septembre à 16h. Et c'est bien sûr ouvert à tous. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui peuvent nous écouter là pour vraiment leur dire « venez nous rencontrer, venez écouter ces témoignages ». J'ai envie de leur dire, nous, au niveau du mouvement pour une alternative non violente, on sert à semer des graines, en quelque sorte. Des graines de non-violence, des graines de solidarité, des graines de force pour agir. C'est-à-dire que les situations difficiles que certaines personnes vivent ne sont pas une fatalité. Et donc, si vous voulez avoir de l'énergie pour lutter, si vous voulez avoir simplement une ouverture d'esprit, si vous voulez questionner vos préjugés, venez à cette quinzaine de la non-violence. Elle est ouverte à tous et à toutes. Et nous nous ferons vraiment un plaisir de vous accueillir. Merci Denis Crelotte. Pour contacter le MAN Nancy Mouvement pour une alternative non violente, voici un numéro de téléphone, le 07 69 34 85 86, 07 69 34 85 86, et le site internet www.nonviolence.fr/Nancy, et le MAN Nancy est également sur Facebook. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.